Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Donc, une petite précision que j'ai oublié de vous signaler. Ah. Donc, Apolline a été virée des studios. Elle a eu 4 avertissements. Le dernier a été fait hors antenne lors du disque François Baléry avec... Baléry. Ouais, François Baléry. Avec il vit dans l'anus mon pote le GG. Donc elle ne fera plus partie du standard jusqu'à nouvel ordre. Oh, maintenant ça sera Pildar et Manu et de temps en temps Rigaud qui sera là pour épauler. Parce que Apolline s'est terminée après le standard la semaine. Jeudi jusqu'à minuit et après minuit, je n'en veux plus dans les studios. Voilà. Donc alors, pour en revenir, donc on s'est écouté la petite tétine à perruque avec Monte dans mon camion, on va au Queen. Et le deuxième, c'était la drag queen Unijambiste avec... tes dents, éclate-moi le kiste. Voilà. Donc on se retrouve pour le deuxième débat qui va porter sur les supporters. Et pour ça, vous êtes toujours sur Fun Radio, bien sûr. J'ai oublié de le préciser. 101.9 est toujours le 0803. 101.9 sur Paris. Sur Paris et dans la banlieue, donc vous avez tous les fréquences. Alors venez tous en banlieue parisienne. Et donc vous avez toujours... tous ceux qui sont en France. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803 08 5000, le 3615, code Fun Radio, rubrique direct. Donc bien, on est 25 connectés. Et l'internet www.frfunradio. Et pour ça, on va accueillir pour le deuxième débat, donc Eric Cantonnier, 26 ans de Brest. Oui, bonsoir. Bonsoir, donc on écoute Fun Radio sur 98. Oui, tout à fait. Bonsoir à toi. Bonsoir, GG. Maillot qui pue, 25 ans de Bourges. Maillot qui sniff. Non, qui pue. Ah, pardon. Ouais, 25 ans de Bourges, 87.7. Salut, Gérard. Bonsoir. Oh là, C'est pas grave. Petite tribune, 24 ans de Cannes, 95.FM. Salut, GG. Salut, tout le monde. Bonsoir à toi. Et s'il plaît. Siplé Pourrite, 23 ans de Paris, 101.9. Bonsoir, José. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, première question sur les supporters. Alors, êtes-vous supporter d'une équipe de tennis ou autre? Oui. Siplé Pourrite, hein, on va demander ça à toi. Le tennis? Je connais pas trop ce domaine-là, mais bon, oui, j'aime bien toute Bacardi. Non, mais attends, Eh, sifflet qui pue, ou tu réponds quand sifflet pourri. C'est pas, c'est un super tennisman. Êtes-vous supporter d'une équipe de tennis ou autre? Oui, bah alors je supporte l'équipe de tennis asiatique, surtout Pete Baccardi. Ouais. Non, mais attends, c'est. De tennis. Un joueur, GG. Ok. Petite tribune. Ouais, alors moi je suis supporter d'une grande équipe de foot, le PSG. Ouais, mais ça. Attendez. Ouais. Parce que là, pour bien se dire une chose, on va éviter de parler du PSG tout le long de la soirée. Parce que c'est pas parce qu'ils ont gagné et que derrière ça a été le carton que la SNCF et même la RATP en a pour plus de 350 000 balles de réparation. Avec toutes les primes qu'ils mettent, hein, je crois qu'ils peuvent réparer. Grâce à ma vie. Non, mais en fait, je déconne, GG. Hein. Donc, vas-y, alors, petite tribune. Ouais, je suis supporter d'une équipe de tennis à Wang Kong. Mmh. Et voilà. À tes souhaits, Fondard. À tes souhaits sur la console. Putain, quel port celui-là. Oh, maillot qui pue. Ouais, moi je suis supportrice de l'équipe de tennis des États-Unis. Mm-hmm. Je suis pas supportrice, on dit supporteuse. Non, supportrice. Moi je suis supportrice. Supportatrice. C'est pas ouais. Non, mais de manière, ça peut être supporter ou supportrice, on s'en fout. Tu peux aller chercher dans le dictionnaire. Non. Ah, remarque, ouais, supporteuse, ouais, c'est mieux. Ouais, supporteuse, mais je pense que c'est supporteuse, ça. Supporteuse, quoi, ouais. Excuse-moi. Bon. Je suis supporteuse de l'équipe de tennis des États-Unis. Mm-hmm. Donc dedans il y a Brad Pitt, il y a Leonardo. Ouais, mais évite de donner des noms. C'est le nom des joueurs. Non, mais ça sert à rien. C'est capitaine. Bah, je te dis qui c'est qui est dedans, ça t'intéresse pas? Non, mais on n'a pas besoin d'avoir les noms des joueurs, d'accord? Ah ouais, bon bah voilà. Alors Eric Cantonnier. Ouais, bah écoute, moi je supporte l'équipe de Hongrie et du Turkménistan. Et faut savoir que j'apprécie aussi Lacoste quand même. Mmh. Et je fais partie du COP, des hooligans du COP de Roland-Garros. Oh, non. Bon, alors, Eric Cantonnier, Antonier. Au revoir. Bah non, il a le droit quand même, il a le droit, Gérard. Au revoir. Claire, fais gaffe. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir. Eric Cantonnier, au revoir. Bonne nuit. Gérard, sur IRC, il y a Daily One, il me demande si t'es supporter des équipes de pénis dans ton cul. Elle va se faire sodomiser. Carrément. Alors donc, êtes-vous supporter d'une équipe de tennis ou autre? J'aime bien, c'est la Formule 1, donc je supporte les McLaren en Formule 1. Mais ils sont nuls. Quel joueur? En Formule 1, je parle. Mais c'est des joueurs quand même. Les pilotes. Je comprends pas pourquoi tu En tennis, ce que j'aime bien, c'est Yannick Noah qui nous a quand même fait rapporter la Coupe Davis. Il y a 10 ans. Ouais, mais tout le monde l'aime bien. En Formule 1, c'est pas Olivier Pénis que tu supportes? Toi, tu vas fermer ta gueule parce que tout à l'heure, tu vas faire comme l'autre, d'accord? Pas de problème. J'ai compris un truc. Il a remporté quelle coupe? La coupe de quoi? La Coupe Davis. Et des tournevis, non? Maillot qui pue. Tu restes poli, s'il te plaît, et sifflez poursuite de même. Pourrite. Hein? Sifflez pourrite, pas poursuite. Sifflez pourrite, tu restes poli quand même, parce qu'il n'y a pas de polo là dans les débats, d'accord? C'est Paula, la sœur Apollo. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, tu as déjà jeté, ça te fait vite fait. Alors, êtes-vous pour ou contre les supporters? Alors, 65% des gens sont déjà supporters, ça c'est vrai, il y en a beaucoup. 34% des gens n'aiment pas les petits Suisses, donc je vois pas le rapport avec les supporters, les petits Suisses. Et 11% des gens n'aiment pas le sport. C'est vrai que faut se dire une chose, qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le sport. Et ça, on va en faire illusion, justement, avec certaines filles, de savoir si elles aiment supporter une équipe ou pas, mais c'est pas la question pour maintenant. Oui, Manu, à la place d'Éric Cantonnier que t'as jeté comme un malpropre. Je l'ai jeté comme un malpropre. Il avait caressé police, c'est tout. Hein. Bah il était pas grossier. On accueille Grosse Écharpe, 29 ans de Paris. Grosse Écharpe. Ouais. Ouais. Salut Gédé. Salut Grosse Écharpe. Donc 101.9. Salut. Ouais, alors donc. Alors, la question, que fait un supporter quand une équipe perd? Il balance des chaises. Attendez. Alors, vas-y, Grosse Écharpe. Vas-y, il balance des chaises. C'est tout ce que tu me réponds? Ouais, puis il tape sur la gueule aussi, ça arrive. Ouais, mais ça, tu veux faire allusion au match de mardi? Ah, moi, j'ai rien dit. Non, non, non, non, mais tu veux faire... Il n'y a pas eu que celui de mardi, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais c'est vrai. Bon. Non, c'est vrai, je reviens à ce que tu dis, Manu, c'est vrai. Il n'y a pas eu que celui de mardi, c'est celui à Bologne. Parce que tous. C'est vrai que maintenant, dans aucun sport, c'est vrai que pour être supporter d'un club, ça va devenir dur. Parce que le golf ou le ping-pong, le golf, c'est tranquille. Hein. C'est tranquille, quoi. Ouais, mais il y a pas beaucoup qui se tapent sur la gueule. Ouais, mais c'est encore moins grave que de voir ce qui se produit en ce moment dans les stades ou autres. Ouais. Oui, il y a juste Perforas qui précise à tous les supporters de foot de pas utiliser le ballon Lady Di parce qu'il atterrit toujours dans le poteau. Bon, alors lui, il commence à me casser les couilles sérieusement. C'est même plus la peine de... Il aurait écrit. Qu'il s'amuse à laisser des messages parce que j'y répondrai plus. S'il plaît pour it. Oui. Donc, toi. J'ai bien répondu, madame. Non, c'est pas toi qui viens de répondre, c'est Grosse Écharpe. Menteuse répond. J'ai parlé de Pete Bacardi ou Pete Sampras. Non, mais ça, c'était ancien. Ça, c'était la première question. Alors, ou tu réponds correctement aux questions que je te pose, ou je te vire. Ah, mais ils m'ont repris en antenne, c'était quoi la question? Bon, alors. Non, c'est vrai, j'ai. Hein? Non, que fait un supporter quand son équipe perd? Je voulais en parler, c'est très très grave. Ma mère, elle travaille dans un hôpital et elle en a vu, mais des tonnes de personnes, ça se compte en kilogrammes et de millions, quoi. Ça s'exprime même plus, qui se sont suicidés. Mais pourquoi pas en kilowatts? Allez, hop, au revoir quand t'es en train de me dire des conneries. Allez, tu me feras signe, au revoir. C'est qui que t'as vu? S'il plaît pourri, tu peux lui dire bonne nuit, c'est même plus la peine. Alors, petite tribune, là. Ouais, alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, en général, ils retournent des voitures ou... Oh, tu parles comme il faut devant ton combiné et t'éteins la radio, s'il te plaît, derrière. Ah, j'ai pas de radio derrière. Ouais, mais alors, tu parles comme il faut devant ton combiné. D'accord. Ou t'éteins le haut-parleur. Ça va comme ça, là? Mais non, mais il fait du slip, en plus. Ah, c'est pas moi ça. Il avait le slip tout jaune. Une horreur. Il traînait la patte comme ça, c'est comme un petit cannibale. Et il tuait du slip. C'était une horreur. Fildar. Non, mais attends, il y a du monde derrière toi là. Non, Fildar, je sens que tu vas finir au standard. Pourquoi j'ai fait quoi? Vas-y, mon cher auditeur. Petite tribune. Ouais, donc je disais qu'en général, ça se finit par des gros casses, du genre ils cassent des voitures. Ouais, mais ou ça. Alors, ouais, non, mais attends. C'est des trucs comme ça. Ouais, mais attends, petite tribune, tu vas faire. On va pas faire illusion au match de mardi. Je fais pas illusion au match de mardi, il y a plein de matchs où ça finit comme ça. Bah ouais, mais ça, de toute manière, c'est partout, hein. Ouais. C'est partout pareil, hein. Bah voilà. Ouais. Je voulais dire qu'on allait accueillir Starskin. 27 ans de Lille sur 96.8, pardon. Salut. Ouais, bonsoir, c'est Starskin. Salut Starskin. T'éteins la radio s'il te plaît derrière pour commencer. J'ai pas de radio, c'est pas moi, hein. Je te rassure. Bonsoir à tous les fans de football, c'est Starskin. Salut Starskin. Bonsoir, j'appelle de Lille, j'ai les cheveux courts, un bomber, j'ai des grosses parades. Bon, tu me le calmes lui déjà. C'est hop. Bonsoir GG. Ouais, ben tu vas retourner voir Manu. Pourquoi? Pour l'instant. Pourquoi? Tu vas te calmer au standard un petit peu. Ok, je suis calme. Mais non, mais tu vas te calmer au standard. C'est bon. Alors ta fréquence? J'appelle de Lille 96.8. D'accord, bon, donc la question, tu l'as entendue? Non. Que fait un supporter quand une équipe perd? Ben, je sais que moi et mes copains, quand notre équipe perd, on n'est pas joyeux. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des turbulences. Hein, quand même, il y a de l'agitation. Mmh. Donc, faut voir que quand même, les gens de la police, ils nous chauffent un peu, quand même. Attendez. Starskin. Je vais te dire une chose, déjà, c'est pas les flics qui vous chauffent, c'est vous qui chauffez déjà. Non, mais vous aussi. Non, parce que déjà, dès que vous arrivez sur un match de foot, faut bien dire une chose, que vous êtes déjà à moitié messieurs. Dès que votre équipe perd, c'est vous qui commencez à foutre la merde. Oh. Ouais, c'est bon, GG. Ouais. Ouais. Alors, viens pas dire que c'est les flics. Merci. Non, mais c'est vrai. Ouais. Attention, l'arsène, j'ai de marin avant. C'est quoi que l'arsène là? Non, je préfère. Ouh là là. Vas-y, cherche sa merde lui. Non, c'est de l'arsène. Faut le virer, Gérard. Donc moi je disais que c'est vrai qu'on se chauffe bien avec les potes avant le match. Mmh. Mais déjà, rien qu'avant l'ouverture des tribunes. Hein, rien qu'avant l'ouverture du stade, déjà vous commencez, y en a qui commencent déjà à foutre leur merde dans les rues. Et après ça se termine, ça se termine très mal après. Mais Gérard, on s'en fout de ça. Le débat c'est pas ça. Ouais, donc petite tribune, t'as répondu. Maillot qui pue. Eh Bernard, c'est vrai que t'es passé sur Skyrock hier. Maillot qui pue. Oui, Gérard. Bon, Fusard. Deuxième avertissement. J'ai rien fait. Deuxième avertissement. J'ai rien fait. Deux. C'est pas grave. Deux. Fais gaffe. Oui, j'en ai plein d'autres. Deux. J'ai plein d'avertissements encore. Maillot qui pue. Oui, Gérard. Eh ben, en fait, quand ils perdent, en général, ils font la gueule. Ouais. Et quand ils gagnent, ils vont s'écraser comme des gros glands qui sont contre le grillage. Ce qui fait que c'est des morts, enfin bon, c'est la cata, quoi. Ouais, ou alors ils vont se faire renverser sur les champs. Gérard, tu reviens, s'il te plaît, Gérard est parti. Bon, on s'en fout, c'est pas le problème, Gérard. Non, mais enfin, un débat pour nous, j'ai l'impression, parce que Gérard, à chaque fois que vous commencez à répondre, il est pas là. Ouais. C'est sympa, non? Il est pas sympa, Gérard. Franchement, ça se fait pas, quoi. Enfin, de toute façon, voilà. Il y a un truc qu'il faut dire, Gérard. Ouais. Tes débats, c'est pas toi qui les prépares. Ah ouais, c'est vrai, ça. Ouais. C'est vrai. Tu sais, c'est moi qui les prépare. Alors, quand on répond aux questions, tu pourrais au moins. Non, mais il y a la une qui a plus rien à perdre dans les studios, elle n'a pas à venir. Ouais, mais bon, sois professionnel jusqu'au bout quand même. Ouais. Restez quand même poli, s'il vous plaît, avec les gens qui vous emmerdent. Ça, c'est vrai. Fildar, troisième. Encore un, et c'est fini. Ah, ça y est, c'est parti. Oh, tu vas à ta place, Gérard. Tu vas arrêter ta merde aussi. Bah là, c'est les micros, et là, c'est les enserres. Ça, tu commences à me casser les couilles aussi, toi. En plan broussi. Oh, j'ai rien. Hey, faut qu'il arrête, là. C'est de Boulogne. Attention. Là, faut qu'il arrête avec le double son. Hein. Attends, il dit, restez poli avec les gens qui vous emmerdent. Alors, hein? Tu sais ce que tu vas faire? Non. Tu vas te choper... Putain. Et toi, je vais te piquer ta race, hein. Encore? Alors, tu dégages le sondage depuis toi à l'arrière. Tu veux venir un peu ou pas, non? Non. Ah, merde. Oh les Larsen, Bon, qu'est-ce qu'il y a? Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Donc, Ah, y a rien. Oh, ça va. Putain. Mais qu'est-ce qu'il a, ton casque? Y a rien. Ah, mais il a dû casser son casque. Ah, il a dû péter son casque. Oh merde. Encore un de plus. Ça, ça force de gueuler tes oreilles. Ça fait qu'à part ta gueule parce que tu ferais mieux de faire ton boulot correctement. Parce que vous n'êtes pas capable de faire du boulot. Non, gars, tu fais des larcènes avec ton casque et tu fais chier les auditeurs. Je fais chier les auditeurs, moi je t'emmerde, avec d'accord. Avec des larcènes, oui. Ouais, bah moi je t'emmerde, d'accord, tu fais ton boulot correctement. Et tu t'amuses pas avec tous les boutons parce que sinon, tout à l'heure je vais me lever, je vais te mettre deux barbes dans ta gueule. Non. Hein? Tu vas pas commencer à me casser les couilles ce soir. Tu vas me mettre ailleurs pour une fois. Ouais. Mais tu vas arrêter un petit peu ton bordel, d'accord. Surveille deux minutes, là. Bon, Gérard, sur IRC, il y a Delight Virage Nord, il dit que les débats c'est un peu comme un match de foot, c'est chaud pendant tout le match, ça gueule pas mal et à la fin ça finit par se friter. Bah, de toute manière, c'est ce qui va se produire si ça continue. Tommy, sois. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Ok. Manu, tu m'éteins ton micro, s'il te plaît, merci. Donc toi, tu dis que les supporters ils font, c'est pas bien, mais toi, tu fais exactement la même chose. Bah oui, mais de toute manière, moi, je fais ce que je veux, parce que je dis, c'est moi qui commande, et pour l'instant, il y a que toi qui fais du bon boulot, les deux autres, c'est de la merde. Vous m'avez fait, pour l'instant, on est là, deuxième question, mais oui, mais c'est pas mignon. On est en plein débat, on a l'impression qu'on est en confusion, là. Mais pour l'instant, vous nous faites que de la merde, tous les deux. Vous êtes deux trablots, vous faites que de la merde. Bah on était là pour le débat des règles. Avec Apolline, c'est pareil, ça fait trois. Allez, vas-y, reprends ma couille. Alors donc, que signifie être supporter d'une équipe? On va demander à Maillot qui pue. Ça veut dire qu'on les suit dans tous les déplacements. Ouais. Mmh. Donc ça veut dire qu'on prend des bus de supporters avec des gros glands de supporters. Ouais, avec les potes. Avec des chapeaux de supporters, des écharpes de supporters. Et des Ils veulent le supporter dans mes tribunes. Oh là. Bien vu, Maillot. Et voilà. Direct. C'est pas une vie de supporter. On vit l'équipe, on vit supporter. Ouais, mais de manière pour être supporter, faut quand même avoir l'argent pour pouvoir acheter tout. Le car c'est gratuit. Non, mais attends, le car est peut-être gratuit, mais faut quand même acheter les maillots, les écharpes, les billets, parce que si t'es déjà membre du club des supporters, ça on va en parler. Ah, si t'es déjà membre, les places. Hein. Oh, attends, s'il te plaît, maillot qui pue. Ouais. Je réponds à la question à Pildar. Donc les places déjà. Une fois que tu es déjà supporter d'une équipe, les places, tu les as gratuitement. Ouais. Hein, donc, elles sont déjà payées. Ce que tu as acheté, c'est les t-shirts, l'écharpe, le chapeau, et même voir les banderoles pour savoir ce qu'ils gagnent. Bon, toi, tu mets à ton micro. Les chaussettes. Pour un sens. Tout à l'heure, tu vas te prendre un stylo dans ta gueule comme un fil d'art aussi, toi. C'est vrai, moi je suis allé à la boutique sur les champs là, du PSG, il y a des chaussettes, il y a des caleçons, il y a plein de trucs. Ouais. Alors, je fous pas la merde. Petite tribune. Gérard, j'avais une question militaire avant, ça non, pas très sympa. Tribune. Politique. C'est, Non, politique, c'est pas la peine. Non, politique. Ouais, politique. Petite tribune. Ah la merde. Mon pote fil d'art. Petite tribune. Ouais, Gérard, moi je disais que, en fait, quand t'es supporter, faut aller à tous les matchs. C'est déjà ton premier devoir. Ouais. Mmh. Et puis, ensuite, d'essayer de te relooker façon. Non, mais ça, de manière. Tu supportes, quoi. Ouais. Non, mais de manière, ça, faut bien. PSG. C'est malin, ça. Déjà, pour bien dire une chose, que dès que t'es supporter, dès que t'es membre d'une équipe, t'es obligé de suivre ton équipe du bout de la première journée jusqu'à la fin du championnat. Donc, pour ceux qui sont membres du PSG, comme Max est membre du PSG... PSG. Oh, tu fermes ta gueule, pas, s'il te plaît, merci. Je suis supporter du PSG, je suis pas membre du PSG. Ouais, c'est pas pareil. Membre du PSG, c'est quelqu'un qui travaille pour le Paris Saint-Germain. Ouais, non, mais t'es supporter, mais tu les suis quand même une bonne partie du championnat. Ouais. Donc, justement, en parlant du PSG, rien à voir, il y a petit Suisse sur Minitel qui dit « Oui, je suis membre des fuckers, nous on est supporters des fesses avec des broches. » sa réponse, c'est « Va te faire foutre. » Et toi, tu fermes ta gueule parce que tout à l'heure, tu as dégagé. Et il voudrait savoir s'il peut supporter les tiennes. Et tout à l'heure, tu as supporté mon pain dans ta gueule. Là, ça va te faire plus mal. Un défi de fuck, c'est mieux. Ah ouais, tu vas voir. Donc, la question... Être fuck. Quelle heure il est? 2h30. Envoie la zic, là. C'est l'heure de la pilule. Envoie la zic, là. Merde. Je suis pas prêt, là. Comme ça? Déjà, après. Ouais, tu te démerdes, t'es pas là pour... En tout cas, là, Gérard, on a bien avancé quand même sur le deuxième débat. On a fait un truc de mignon. Ouais, une question. Non, on a fait deux questions. Et la troisième, on va la continuer parce que je mettrai le disque. Moi, je vais dire un truc. Vous, là, parce que là, on va faire trois questions. Quoi. Bah ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire, toi? Ah non, je voulais te dire ça, qu'on avait bien avancé sur le premier débat. Donc, alors, grosse écharpe, on abrège vite fait sur la troisième. Et... Oui, enfoiré, mettez-toi. Bon, alors dégage, au revoir. Hein. Et en plus, il a du monde derrière. Internaute de folie. Ça y est, j'ai... Bravo. Et en plus, vous n'êtes pas capable de gérer quand ils ont du monde derrière. Ouais, alors vous êtes pire que la colline. Non, on veut des gens, Manu, uniquement qui sont tout seuls. On veut pas de des personnes qui font des débats. Moi, j'avais des gens chez eux. Supporters, là, gros. Non, ouais, ouais. On veut que des célibataires. Ouais, des gens glauques qui sont malheureux. Et ça, le sein de l'île. Pas des gens heureux qui sont en couple. Pas de mariés. Hein. Il appelle la maîtrise. Sein de l'île. Starkin. Starkin. Starkin. Alors moi, avec mes potes, on se coupe les cheveux bien courts, on s'échange les bretelles quand même, et puis on va au club. T'as raison, t'as du monde derrière aussi. Au revoir. Allez, heureux, t'es heureux, tu dégages. Allez. T'as des amis, tu peux le faire. En petite tribune, toi, t'es malheureux. Ouais, moi j'ai pas de chance. Voilà, pareil. Moi je viens. Il y a des gens qui vont au stade tout seuls. qui c'est qui nous de bruit. Tout le monde a répondu, donc sondage avant la. Quoi, il faut te sonder là. Des écharpes grises. Putain. Alors combien le tuyau. Mais les gants m'attendent, hein. Vas-y, va pas t'aventurer à main nue dans. Sondez quand même. Jamais à main nue dans son derrière, hein, t'es fou. Ah, mais un gant, mon pote, t'es ouf. Putain. Alors, Fildar, la semaine prochaine, t'es viré, tu fais plus partie de l'équipe. Merde. C'est comme Apolline, t'es sur le banc de touche. Hop, déjà 2-2. Tu pourrais te couper tes petits citrons, quoi. Tout à l'heure, je vais te couper ma main dans ta gueule, tu vas voir comment ça va faire. Manu, je te préviens, oui. Tu me refais une fiche correcte, ou sinon, tu fais comme Fildar. C'est vrai, je dégage. Oh, tu vas voir. Pas de fiche. Hein. Alors, combien gagne un supporter de l'équipe de foot du Maine-et-Loire? Non. Alors, 74% des personnes ne gagnent rien car ce pays n'a rien. Bon, ça, c'est vrai, dans certains clubs, c'est vrai qu'ils ont du mal à supporter leur équipe. 11% des gens n'y pensent plus depuis qu'ils sont dans le Maine-et-Loire. Et 19% des gens gagnent 100 euros par fracture ouverte. Ouais, ben. N'importe quoi. Ouais, je pense aussi. Et alors donc, quatrième question, de quelle façon... celle-là, ça revient à peu près à la même que la 3. Alors, peut-on jouer avec son équipe pour de vrai si on est supporter? Et on se retrouve tout de suite après. Donc, on va s'écouter Sébastien Crampon avec Tire-moi un péno dans l'orifice anal. Et on se retrouve tout de suite après. C'est un tube en ce moment, ça. Et voilà, vous venez d'écouter Sébastien Crampon avec Tire-moi un péno dans l'office anal. Non, l'orifice. Parce que l'orifice anal. Et donc, on se retrouve pour la suite et fin du débat sur les supporters. Donc, vous êtes toujours sur Fun Radio, 101.9 FM, région parisienne. Arrête de dire ça, putain. Avec Fun Radio, c'est national. Hein. Et toujours 36-15 code... 36 cas code rubrique direct et toujours www.fr funradio. Donc vous pouvez toujours essayer de me poser des questions sur les supporters. On va. Pour l'instant ils posent pas de questions, ils disent ta gueule connard. Eh ben c'est bien, ben, moi je les emmerde. Comme ça va plus c'est vite. Pas vrai. Ça va plus vite. Alors si, donc la question c'est alors on accueille Maillot qui pue. Rebonsoir à toi. Rebonsoir Gérard. Petite tribune. Ouais à fond dedans. Salut GG. Camp des Brunes. Oui, bonsoir. Et petit frisson. Fagnon, pardon. Ouais, bonsoir. Donc, alors la question, tout le monde l'a entendu. Ouais, pas de problème. Bien sûr. Petit Fagnon, tu l'as entendu. Ouais. Bon, alors donc, on va demander à toi. Moi, j'ai de la chance de gagner le concours Fan 2. Non, mais attends, je te parle. Alors, attends. Petit Fagnon. Oui. Tu as été voir Christophe Lambert. Oh. Petit Fagnon. Oui. Un jour. Bon, alors. Il y a trois semaines, il y avait un truc spécial olympique de Marseille. Scène 2 spéciale olympique de Marseille. Et ouais, c'est ça. Tu te foutrais pas de ma gueule. Non. Écoute, je t'envoie la cassette. J'enregistre. D'accord. Alors, non. Alors, dans ces cas-là, tu m'envoies la cassette. Tu mets ça à l'intention de Gérard. 22 rue Bayard, 75-008. Pas de problème. Voilà. Dans deux jours, tu l'as. Ok, ben je l'aurai dimanche soir. D'accord, ok. Alors donc, peut-on jouer avec son équipe pour de vrai si on est supporter? Donc pour toi. Pour moi, Fagnon? Oui, pour toi, oui. Bah oui, alors donc j'ai gagné le concours Fan 2, j'ai eu la chance de jouer avec Zizou, mon ami. Ouais. J'ai fait plein de bisous, d'ailleurs. Ouais, ouais, ben, les bisous, tu sais qu'à où que je pense. Je joue pas trois Marseille, si tu veux, quoi. Laissez-la parler. Laissez-la être ridicule. Ouais, non, et puis t'as vu que la finir, tout ça, ok. Corde de Brune. Ouais. Laisse ça parler, tu vas voir. Ok, ouais. Alors vas-y, continue à nous raconter ta salade. Grillée. Vas-y, raconte-nous ton anecdote avec ton histoire de Fan 2 qui a rien à voir avec l'équipe de Marseille. Oui, puisque grâce à Fan 2, j'ai pu jouer un tournoi. Avec... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Bon, alors, petit fagnon. Tu m'envoies la cassette, je t'assure que c'est vrai. Mais tu m'envoies la cassette, après je verrai. Au revoir pour toi. Ce soir, les débats. En attendant, au revoir. Hop, pour l'instant, je te dis au revoir. C'est pas grave, on fera un débat dimanche soir avec toi toute seule. On se fait un interlocuteur. Camp de Brune, 27 ans d'Auxerre. J'ai pas annoncé ta fréquence, excuse-moi, parce que il y a pas longtemps que t'es là, toi. Donc 102.4. Donc alors pour toi. Eh ben écoute, il faut savoir que le club d'Auxerre organise des matchs amicaux entre les supporters et l'équipe. Et il faut savoir que, quand même, l'autre fois, ils ont été un peu ridicules parce qu'on leur a mis 3-0. Non, mais attends. C'est vrai qu'ils ont une saison difficile. Ouais, non, mais attends, Corneau-Brune. Oui. Je te demande. Ils ont mis 3-0. Petite tribune et maillot qui pue. Elle est chaude, elle. Peut-on jouer? Bon, c'est vrai que certains supporters peuvent jouer avec leur équipe. Ah ouais? Non, ouais, mais de toute manière, on va pas s'amuser à donner des scores, tu vois. C'est des matchs amicaux. Ouais, mais ouais, d'accord. Amical. Tu conjugues. Ouais, donc alors vas-y, continue toi. Bah écoute, et je te dis, on leur a mis 3-0, bon ça a pas empêché, après c'était bon esprit, tu vois, on a pris la douche ensemble, on était dans les vestiaires, je veux dire, on s'est caressé comme d'hab, tout ça, je veux dire, ça pas. Ouais, bon, on fichait l'esprit du sport, tu vois. Mm-hmm. J'ai aussi prendre une douche. Hein. En fait, ouais, bah oui. Et voilà quoi, donc voilà, je trouve que c'est plutôt bon esprit quoi. D'accord. Voilà. Mais okay. Je dois savoir si toi tu serais prêt à faire un petit match ou à prendre une douche éventuellement avec un de tes fans, parce que c'est un peu tes supporters quoi quand même. Non mais ça, quand j'aurai l'occasion d'aller sur un stade de foot, on verra. Ouais, s'il vous plaît, merci, on accueille quelqu'un d'autre à la place de Petit Fagnon, on accueille Grand Pompoteau. Qui va se présenter lui-même. Grand Pompoteau. Ouais, Grand Pompoteau. Bonsoir. Oui, bonsoir Gégé, bonsoir tout le monde. T'appelles d'où? Comme clavier, ça. T'appelles d'où? J'appelle des Ouches. Hein? Des Ouches. Oh, les Ouches, c'est dans les Alpes. C'est de la bombe. Fréquence 94.7. Des Ouches. Oui. Donc, petite tribune, ouais. T'as répondu, toi? Non, j'ai pas répondu. Bah alors, vas-y. Donc, ouais, c'est quasiment impossible de jouer avec ses supporters parce qu'ils ont tous ta grosse tête et tout. Dès que tu vas, ils te foutent des tatanes et puis tu dégages du terrain, quoi. Non, pas spécialement. Je confirme. Non, bah, tu confirmes peut-être, mais moi, je te dis que non. Ça dépend des clubs. Non, mais... c'est parce qu'ils sont payés des 1000 et des 100, donc c'est des stars, donc ils... Non, la dernière fois, je me suis pris une baigne par Rococha, merci le délire. Petite tribune. Ouais. Tu vas te calmer, parce que jusqu'à maintenant, t'as répondu correctement en question, donc tu te calmes, ou sinon, je vais penser de te virer. Excuse-moi, pas de problème. Gérard, maillot qui pue. Gérard, il n'y a pas que dans le foot, quand même, qu'on peut participer depuis qu'on parle que de foot et c'est chiant quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non mais justement, moi je sais qu'en pétanque, tu peux participer en fait avec l'équipe que tu supportes à la compétition. C'est bien. Ouais, mais ça dépend des sports parce que moi, je sais que en fait, j'avais un pote qui était fan d'un gars qui tire à l'arc. Ouais. Qui a fait les championnats d'Europe et en fait, lui, il a participé avec lui, il a fait la cible, il courait à 70 mètres devant, il a participé. Ouais, mais je sais pas s'il y a des supporters de tir à l'arc. Hein. Si, il y en a, la preuve, c'est à son âme maintenant, mais. Mais attends, toi, pour l'instant, tu me parles d'un autre sport alors. C'est du délire! Je sais. Excellent! Donc, maillot qui pue pour continuer sur la question. Ouais, Gérard, moi, je suis supportrice d'une équipe de karaté, entre autres. Et en fait, on s'est spécialisé dans le headfuck. Ouais. Et en fait, je m'investis entièrement dans le headfuck, qui est une spécialisation du karaté. Mmh. Et du délire! T'es geisha, quoi, c'est ça? Ouais, je suis geisha. Donc, alors, si... Grand pont poteau, là. Ouais. Écoute, moi, je supporte une discipline qui n'est pas très connue, c'est-à-dire le badminton. Si, c'est quand même... Attends, maillot qui pue. Maillot qui pue. Oui. Le sport, maillot qui pue. Ça m'a échappé, je suis... Ouais, bah, le sport de pédale, tu vois, il te dit bonne nuit, au revoir. Non, terminé pour elle. Allez, pion. Hop là. Bonne nuit. Allez, hop. Allez, hop. Alors, donc, grand popoto, là. Oui. Donc, toi, t'es... C'est une histoire de badminton. Voilà, tout à fait. Ouais, mais c'est vrai que le badminton, c'est vrai que c'est un sport qu'on en entend, on en voit pratiquement jamais à la télé. Attends, et d'ailleurs, je voulais saluer tout particulièrement l'équipe de Suresnes, qui est première, d'ailleurs. Non, mais attends, grand poteau. Non, sans déconner, en plus. Non, mais moi, je vais te dire une chose, qu'à Suresnes, il n'y a pas de club de badminton. De cyclisme. Oui, non. Mais pas de badminton. Ah, ça, c'est faux. C'est faux. GG. Ouais. Tu pourrais expliquer ce que c'est le badminton? Le badminton, c'est un volant avec un truc en caoutchouc rouge. Tu peux jouer très bien avec des raquettes normales qui sont moins dures que les raquettes de tennis. Et là, Max, il en a ramené des raquettes de tennis. Ouais. Et elles sont assez dures. Et le badminton, les raquettes sont moins dures. Ouais. Carton. Donc, alors, septième... Oui, avant que tu poses ta septième question, on va accueillir Supporter Mythe de Paris. De Paris. Ouais, bonsoir à toi. C'est de la bombe. Bonsoir. La bombe, bébé. Donc, 101.9. Donc, tu veux répondre à la question? J'étais en rantaine et personne m'a rien dit. C'est bon. Est-ce que vous supportez, est-ce que vous jouez avec votre équipe quand vous êtes supporter? Allez, hop. Ah ouais, non, mais moi, je suis contre tout ça. Hein. J'ai du mal à supporter mon petit frère. Tu crois pas que je vais supporter 11 autres garçons? Non. Bon, un supporter a-t-il le droit d'aller voir son équipe en famille? On va demander ça à petite tribune. Non, pas du tout. Ça, c'est carrément impossible. On peut pas. J'ai déjà demandé et on m'a dit non. Tu peux préciser? Bah, je voulais aller voir un joueur avec sa famille. Et donc, je me suis adressé à la Fédération Française de Football. Et on m'a carrément refoulé, quoi. Super. Ouais, mais d'accord. Ben, tu passes ton tour. Ouais. Oui. Ouais, parce que si c'est pour moi prendre des conneries, ça sert à rien. C'est du délire. Du délire. Question IRC, vite. Ouais, il y a Spiou sur IRC. Vite. Il dit que t'as pas assez parlé du développement du cancer du cerveau chez les gens qui téléphonent trop avec des portables. Non, mais ça, c'est même pas la question des supporters. Alors lui, il va se faire foutre. Et il a qu'à dépenser son prix sur l'IRC, ça rapportera plus à peine radio. Comte de Brune. 100 balles d'amende pour pas porter un casque, faut être con. Ouais, très bien. Ouais. Je sens que petite tribune, non. Ça y est, il est viré. Ça y apprendra lui. Hop. Tu prends quelqu'un d'autre. Alors, Comte de Brune. Ouais, écoute, faut quand même savoir que la majorité des joueurs qui jouent dans le championnat, c'est des expatriés. Donc, ils jouent dans des pays qui ne sont pas leur destination d'origine. Donc, ils n'ont pas forcément la famille sous la main. Donc, forcément, ça complique le travail, tu vois. Non, mais je pense que là, tu veux faire... Attends. De toute manière, après, je vais revenir sur ta question. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? La corne de brume, la directe, c'est de péter les fumigènes. Grand pompoteau. Gérard, on a magie, c'est impossible. Oh là là! Vas-y, Gérard, montre-nous tes fesses. Supporter Mythe, tu fermes ta gueule ou sinon je te vire. Attends. Supporter, je vais pas rater vos questions, c'est marrant. J'en connais tout à l'heure qui vont virer parce que je vais pas aller jusqu'à 3h là. Ouais. Pas de corne de brume, moi, les mecs. Hein. Bon, alors, grand pompoteau. Oui, c'est ce que je peux, les mecs. Il y a tant de bruit, je peux pas parler, Gérard. Bon, tu réponds à la question. Attends, j'en ai un autre. Bon, allez hop. Et après, qui c'est que je vire, là? Grand pompoteau. Au revoir. Ça y est, il est parti. Super, support, oui. On accueille, j'ai qu'une couille. Merde. Non, pas moi, lui. Ouais, salut, je suis monoboost. Je te préviens, t'amuses pas à me remettre les mains. Non, mais c'est pas le même. Non, il est monoboule, lui. Ouais, monoboule, j'appelle le Brest. Salut, GG. Ouais. Donc, quelle est ta fréquence? 104.2. Ouais. Alors, supporter Mythe, pour toi? Ouais, moi je me suis renseignée à la SF de Marseille. Mmh. Et. Attends, t'es de Paris et tu demandes à Marseille, toi? Ouais, parce que je suis à Paris, mais j'aime beaucoup les Marseillais. Ah ouais, d'accord. Et ouais, donc, comme la moi. SF de Marseille m'a dit que. Qu'il essaie du Mictour. Oh, de quoi? De quoi? De quoi? Quoi? De quoi? J'ai pas compris. Demain, Marigot, il t'expliquera. Attends, même Rigaud, il a même pas compris ce que... Si, il a compris, Rigaud, mais il veut pas balancer. T'as compris ce qu'elle a voulu dire? Ouais, mais c'est en rapport avec... Avec quelque chose qu'on peut pas dire. Avec le cul, encore. J'ai qu'une couille. Ah bon? Ouais. C'est vrai. Ouais, bah, je suis là. Bon, tu réponds? Ouais, bah, j'ai pas entendu la question, parce que... Non, je répète plus les questions. Non, c'est au standard, désolé. Demande à Manu, c'est vrai. Hein. Ouais, mais Manu, il avait qu'à te la répéter, hop. Ouais, dégage. C'est moi qui dégage ou c'est lui dans ce cas-là? Non. Je pense que ça va être les deux tout à l'heure. Gérard, j'y suis pour rien. Moi, c'est pas moi qui ai mal fait le boulot, c'est Manu. Donc, tu veux bien répéter la question, c'est... Alors, un supporter a-t-il le droit d'aller voir son équipe en famille? Oui, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait possible d'aller voir un supporter. Mais Gérard, je voulais te demander un truc. Pas toi, c'est... écoute, parlais. Okay. Ça sert à rien que tu parles. Ok, c'est pas toi qui parlais. Le supporter, est-ce qu'il a le droit d'aller voir le mec, enfin le sportif, dans la famille du sportif, ou lui, le supporter, il va en famille, il voit la famille à lui. A-t-il le droit d'aller voir son équipe en famille? C'est-à-dire, tu prends quelqu'un... un supporter qui supporte une autre équipe parce qu'il a le droit d'y aller avec sa famille, c'est-à-dire sa mère, son père. Ah oui. Et voilà. Et il n'a pas le droit, enfin, c'est pas à demander s'il va voir la famille du joueur. Ben non. Ah d'accord, ou de l'équipe. Ah d'accord. Alors, j'ai qu'une couille, t'as bien. J'ai répondu, ouais, c'est bon. Qui voulait me poser une question? C'est Corne de Brune, je crois. Corne de Brune, on parlait des expatriés, tu me disais que tu voulais réagir. Ouais, mais là, je vais te dire une chose, c'est vrai que maintenant dans... Attends, 5 minutes, oui, mais... Réponds d'abord. Donc, c'est vrai que maintenant, dans tous les clubs de foot, maintenant, t'as plusieurs joueurs qui sont... Expatriés. T'as beaucoup de joueurs qui viennent des pays francophones. Ouais. L'Italie, l'Allemagne, puis tout ça. C'est vrai. Donc, savoir si la famille suit, Ça c'est un problème. Mais c'est un problème, hein. Maintenant ça dépend d'eux s'ils veulent suivre le joueur ou pas. Hein. Comment un sportif il fait pour concilier son métier et la vie de famille? Mais justement, ça c'est la question que j'ai oubliée. Ben si, on va pouvoir en faire une question si tu veux. Ok, ouais, bah ouais. C'est vrai que maintenant, si t'as des joueurs qui sont mariés, qui ont des enfants, est-ce que la femme va les suivre avec les enfants? Ça, c'est vrai que c'est dur parce que vu ce qui se passe à l'heure actuelle sur les terrains de foot et autres, c'est vrai que je vois mal. Je vois mal la femme du joueur avec le gamin dans les tribunes si c'est pas... excuse-moi Gérard. Oui. Pendant la Coupe du Monde, il y avait Adriana dans les tribunes. Lors de la Coupe du Monde, faut se dire une chose, qu'il n'y a pas eu de casse. Au contraire, tout le long de la Coupe du Monde, ça s'est super bien passé. Il y a eu de la casse. Non, je crois pas. Il va te raconter ce qui s'est passé. Ouais, ben, 5 minutes, oui. On va accueillir Brout Lamouette. À la place de Maillot qui pue. Pareil, c'est un hommage. Alors, Brout Lamouette, ouais. S'appelle de Saint-Nazaire. C'est une dédicace. Donc combien? Saint-Nazaire, 103.6. 103.6, ouais. C'est une blague. Bon, alors donc, pour en revenir sur la Coupe du Monde, parce que Rigaud, il voulait peut-être rajouter quelque chose. Quand j'ai dit que ça s'était bien passé, qu'il n'y avait pas eu de casse. De rugby? Non, mais en foot. Ah non, bah non. On parle toujours de foot, là, depuis une heure. Ouais, c'est bon, en plus, on parle que de foot, ouais. Bah ouais, parce qu'il n'y a que le foot. Je ne veux pas parler du rugby, parce que le rugby, il y a des supporters de golf, de basket. Ouais, mais ça, en basket, c'est moins évident, parce qu'on a pas de joueurs de basket. Là, c'est que des nazes qui veulent répondre aux questions. GG, toi, si tu connais, je sais pas, moi, un peu en sumotori, en ninja, tout ça, parle un peu. Bah alors, t'es qui, toi? Comment tu vis le truc de l'intérieur? T'es qui, toi? Au niveau de la civilisation. Tu es qui, toi? Je sais pas, j'ai 1000 noms, je voyage à travers l'univers. Bon, alors. Je me multiplie et tout ça, tu vois. Ouais, ben, on va perdre de brume. Pas du tout, absolument pas. Non, ça doit être j'ai qu'une couille ou. Ah oui, pardon. Ouais, c'est lui, j'ai qu'une couille. Ouais, ben, tu lui dis au revoir, salut. Ok, pas de problème. Salut, ciao. Qu'avez-vous contre les supporters? Alors, 46% des gens ont des battes de baseball. Ouais. 32% n'aiment pas les sportifs et préfèrent le vélo. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez du vélo, mais c'est pareil. C'est si on parle du vélo, donc on va revenir sur les histoires de drogue. Donc tout le monde se drogue, même dans tous les sports, ça se voit. 15% ont marre de les entendre pleurer quand ils perdent. Mais ça, c'est vrai. Je me rappelle après. Mauviette, ouais. Ouais, bah oui, oui. Qui c'est qui s'amuse à dire tu me rappelles après, là? Oh, la nana, là, qui s'amuse à dire ça? Il cochonne en chaleur, là. Polo. Ouais, c'est ça. C'est pas encore. Et donc, dernier sondage, après on va attaquer la dernière question, puis on va faire la conclusion. Ouais. D'après vous, un supporter peut-il faire un autre métier? Alors, 53 des gens pensent que non, vu que ça prend tout le temps. Ça prend trop de temps le soir, ouais, parce que ils ont l'entraînement de 8 heures. Pendant une heure, ils ont un entraînement. Les supporters? Non, pas les supporters. Pas les supporters. Ah aussi. 39% des gens préfèrent être payés pour se masturber, donc je vois pas du tout le rapport avec les supporters, c'est pas grave. Si, il y en a qui supportent. Et 10% des gens ne répondent pas à ce genre de questions à la con. Ben c'est bien, ben moi non plus, je répondrai pas sur ce questionnaire là. Donc dernière question. Mais excusez-moi tout le monde, on accueille Gros Porno. De toute manière, si c'est pour me reprendre les mêmes... Non, c'est pas le même, bah tu vas voir, écoute. Salut Gérard, salut tout le monde. Salut. Gros Porno. Un Gérard Gérantin sur Minitel qui nous demande quelle est la différence entre Gérard et un écureuil. Il va se faire foutre, lui. C'est quoi? C'est que l'écureuil... Non, mais ça, les questions et les histoires drôles, on les garde pour dimanche, d'accord? Non, non, c'est ça. Ta fréquence, Gros Porno, t'as dit ta fréquence. C'est que l'écureuil a la queue touffue et Gérard a la queue foutue. Ouais. Et toi, ta connerie, tu te la carres au cul, espèce de connard. C'est en tarte, son ministère. Ouais, ben, toi aussi, t'avais pas besoin de la dire à l'antenne. Ta fréquence, Gros Porno? Ouais, j'appelle de Paris, donc 101.9. Ok, donc dernière question. Comment fait-on pour être supporter d'une équipe? Donc, on va demander à Gros Porno. Ben, c'est très simple. Il suffit d'aimer cette équipe tout d'abord, de la chérir. Et ensuite, tu vas t'inscrire en club. Tu peux préciser? C'est-à-dire? Le fond de ta pensée. Précise ta réponse. Ouais, je suis pas en train de te parler du fond de l'Alma. Gérard, qu'est-ce que tu fais? Gérard, oh là là. C'est pas cohérent ce que tu dis. Ah, non. Des moments, je suis pas. Pourtant, il y a des supporters du pont de l'Alma. J'en connais tout à l'heure qui vont se prendre les bras. Non, c'est toi. Bon, allez hop, conclusion du débat. Déjà. Ouais, je suis en train de te parler du pont de l'Alma, hein. Bah, conclusion. Faudrait savoir. Conclusion du débat, support. On parle de quoi, du pont de l'Alma ou de la conclusion? Conclusion. Conclusion. Alors, boîte postale, 13e pilier. Non, hop, terminé, la conclusion, vous allez vous la... Non, mais non, on va faire les conclusions. Bah oui. Conclusion. On commence par quoi? Bon alors. Attention. Support Termite, ta conclusion du débat. Non, mais Jean, je vais mettre votre micro. Attends, c'est quoi ce délire? C'est honteux. Viens t'asseoir là. Allô, reviens, parmi nous. Support Termite, conclusion. Devant ton micro, bordel. Devant ton micro, ouais, Jean. Alors, jamais vu un débat aussi pourri de ma vie, mais de la grosse merde en boîte. mais grave, ça veut dire pas chier dessus. Alors, va te perdre dans le bain. Hop là. Oh non, on la dire pas. Broute-la-moi, c'est terminé, c'est la conclusion, il est 3h. Hop, broute-la-moi. Broute-la-moite, apprends à lire, connard. Elle va te faire enculer, ça va. Putain, mais c'est vulgaire. Non, c'est rien, c'est que des vulgaires. Et Gros Porno pour finir. Bon, allez, parle-moi d'autre chose, parce que là, tu commences à me prendre la tête, ça m'énerve. Ouais, bah, minable ton débat, venu la chier, de toute façon, j'ai même pas participé à une question, qu'est-ce que tu veux que je dise? Bon, alors... Brume de mer, quoi. Eh ben, au revoir. Corne de brume. Ouais, donc, vas-y. Bah, écoute, bon débat, franchement, débat super intéressant. Le mec qui l'a animé, déjà, vachement moins. Je voulais dire que mon genre préféré, c'était donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le fameux GG au clochard, quand même. Et, bah, tu connais le proverbe, hein, quand tu veux, je te mets le feu à la touffe, et puis un petit coup franc dans la lucarne, hein. Ok. Bon, alors moi, conclusion du... GG, je viens d'avoir le vrai Platini. Non, c'est terminé, c'est fini, il y a pas de... Gérard, c'est Platini, je voulais juste te dire que t'étais trop une merde. Alors, voilà. Terminé, au revoir. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? Conclusion hier, c'est avant. Brigo. Dépêche-toi. Ouais, non, c'était la musique qui me faisait peur. Alors, conclusion, on va essayer de les retrouver parce que... Alors, oh là là, excuse-moi. Merci Rigo, non, mais je vais entendre. Conclusion minicale. Les débats de GG, ouais, c'est comme les feux de l'amour, on finit toujours par s'endormir. Monsieur ouais. Orange. Alors, toi, ta mère de Minitel, tu te la cardes dans le cul et tu m'arrêtes de ce bordel avant que tu prennes. Donc. Les dents de la mer. Les dents de la mer. Ah ouais, bon. Il a senti son gros aileron. Ouais, tu commences à me casser les couilles. Vas-y, hein. C'est bon. Hé, hey, Flipper, parle devant ton micro. Commence à me casser les couilles, là, ce soir. Ah, j'ai peur. Voilà, bon, il y a une conclusion. Oh, oh putain, vas-y, vas-y. Oh, le film est fini, merde. Eh, je sens que je te casse. Je sens moi. Pas bon. Donc, alors... conclusion de l'IRC. Conclusion IRC. Alors, donc, il y a une conclusion de Davy One qui dit que t'as rien d'un sportif sauf l'odeur, mais alors quelque chose de mignon. Ouais, elle va se renculer. C'est terminé pour elle. Ok, pour elle, ouais. Davy One. Pas de problème. Conclusion de Fesse de B. Moi, avant, j'étais supporter des débats de Gérard, mais plus maintenant, car je trouve que c'est trop de la merde. Alors, je suis devenu un hooligan et je fous le bordel chez lui. Ouais, ben, c'est bien. Bah, lui qui passe gaffe à sa gueule parce que il va morfler bientôt lui aussi. Et conclusion de Turpentine. Ouais, ben, les débats n'avaient ni queue ni tête, donc je l'emmerde. Voilà. Voilà. Donc. Et souvent, il y a Arnett Gros Porno qui dit qu'il supportera, il sera supporter de Gérard seulement quand tu suceras des termites et que tu prendras la grosse sanglée en live. Putain, même sur le net, il est tout raide. Eh ben, sur l'internet, vous commencez à nous casser les couilles avec Sandy, alors Sandy a commencé à en avoir ras-le-bol. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ce week-end, vendredi, Max sera à la loco. Donc, j'ai rien, donc, Max, d'habitude, il me fait ma feuille, mais là, il me l'a pas ramené. Attends, ça vient, mais moi de manière en Belgique. Samedi, ouais, mais je sais pas où en Belgique. Alors donc au Trébuchet. Au Trébuchet, à côté de Namur, à 20 km de Namur. Donc il sera au Trébuchet, donc allez-y nombreux, dont nombreux et nombreuses. Et puis racontez-nous qu'il y a des Belges qui appellent dimanche pour nous dire à peu près comment que ça s'est passé. Donc sinon vendredi soir, Max sera à la loco avec qui comme Gigi, je sais plus. Attends, ça c'est le disque et on est après. Ouais, bah ça sera la fin. Disque. Ça sera la fin. Attends, il est en train de recopier les noms des DJ. Donc, conclusion, c'est vrai, je ne l'ai pas faite. Donc, conclusion, dommage que ça s'est encore foiré. Comme d'habitude, à chaque fois, les deux débats, on n'arrive jamais à faire un truc potable. Alors, donc, si ça continue, on ne va faire qu'un débat par semaine et comme ça, Seb prendra la place plus tôt. Oh! Bon, voilà. Donc, t'as les DJ qui font le début avec moi. Ah, bah, ça y est, je sais lire. Ok. D'accord. Donc, à la loco, donc, il y aura DJ Labouze, la crotte et caca. Et au percu, Loulou dit le toléro et Béa. Le tolard. Béa et Gabi au lynch. Au light. Putain. Aux lumières. Bon, ta gueule, toi, tu me mets des conneries. Donc, sur ce, on va s'écouter la petite pupeuse... La quoi? La petite pompeuse de Suresnes avec suce-moi les vibes, ça gonfle. Et on se retrouve dimanche soir avec toute l'équipe. Donc, Sandy sera là, bien sûr. Ouais. Et là, vous allez retrouver Seb pour la nuit sans pub. Avant, en même temps... C'est juste d'après, ça. Après les pompeuses de Suresnes, donc vous allez écouter les buveurs de sperme avec Viens au parc, il y aura du sexe et je vous retrouve dimanche. Mais bien sûr, et puis oui, quoi je suis d'après, mais non, mais trois, parce que d'après. Non, mais puis quoi vite, encore vite. Et la Sumotori du 92 et... Ouais, ben ça... Vite, avec des tresses à l'huile, des frites et on se retrouve dimanche. Au revoir à tous.